pauvre tête, revenu net. Je fais recette dans le black market et tous les internets. Négro intellect correct, plutôt du genre select. Les racistes aussi l'enjette, sous série parfait. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous. L'année en plus en mille, senti en édition. Science, l'offense, au micro, puis danse qui en mémoire. Payez-nous, cash, flash, rapide dans l'équipe. Passe, promesse, dead, gas, Olivier Labic, c'est tout ça. New love, pour nanat, qu'on en aimé. Si gagne, ben son lac, on brosse à de identifier. Quand tout le monde check, doit être savent en évier. Soit connaître, quoi qu'on mette sa gueule en envie. Mais y'a le bout, soyol, signe en céleste. Nouveau exemple, team tao en céleste. Dans la métal, qu'on en solo, métal. Chambo, il habite, si est la capitale. Cool, un jet légal. Ça va être radical, yeah. Équilibre idéal, ou ça va vital, ouais. Tout travail, cabéguite et salaire. Pas essayer de faire des questions, nous pas des valeurs, yeah. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous et payez-nous. Payez-nous. Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Conlambi Musique Jeudi de 16h à 17h, le premier dimanche de chaque mois avec EDS et Pascal. On va commencer l'émission aujourd'hui, au lieu d'avoir la sélection mensuelle, on va démarrer directement avec une interview parce qu'aujourd'hui nous avons deux invités à vous présenter. On va démarrer tout de suite avec celle que vous avez entendue à l'instant, Mimi Nelzi. C'était le titre 6e continent, extrait de son EP Deeply Rooted qui est sorti le mois dernier. Alors Mimi Nelzi, pourquoi ce titre Deeply Rooted? Et peux-tu nous dire comment on passe de la New Soul française Dame Nouvelle à un EP enraciné dans le jazz caribéen? Le projet s'appelle Deeply Rooted, ce qui veut dire profondément enraciné. Il se trouve qu'il s'agit en fait d'une compilation qui a été faite un peu par hasard. J'ai voulu rassembler des morceaux qui, pour la plupart, étaient déjà écrits depuis un petit moment. D'autres étaient déjà même enregistrés et édités. Et il se trouve qu'ils avaient en commun d'être faits avec des musiciens. Et en plus, ça parlait en général toujours de choses très caribéennes, à l'exception de D'où lendemain. Et voilà, il se trouve que j'ai eu des opportunités d'écrire des textes lors de résidences, par exemple, et puis pour un concours. Et donc voilà, ça s'est fait un petit peu de cette façon-là. C'était des occasions particulières. Et puis bon, c'est vrai que ça fait déjà plus de 10 ans que j'écris, que je compose de manière officielle et professionnelle. C'est vrai que depuis Âme Nouvelle, où on était encore dans une ambiance très R&B qui nous a vu grandir, ben moi, entre-temps, j'ai fait pas mal de scènes, surtout en Guadeloupe. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens et je me suis surtout familiarisée on va dire, au live et à la musique organique, en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que c'est vraiment toujours un kiff de travailler de cette façon-là. Et j'ai voulu, pour cette fois-là, voilà, aller un petit peu plus loin, ne pas faire forcément de la musique dite urbaine, c'est un petit peu la case dans laquelle on me met. Je voulais faire des choses, voilà, avec des gens qui avaient une sensibilité un peu plus jazz et voilà, et cette compilation était tout simplement l'occasion d'aller au bout de ces textes qui étaient déjà écrits. Et il y a 3 des textes qui ont carrément été enregistrés, on va dire, avec tous les musiciens ensemble à Paris. Voilà, je suis très très contente du résultat et ça veut pas dire que j'ai terminé, que j'en ai fini avec le R&B ou la New Soul. Pas du tout, je pense pas. Le EP est constitué de 5 titres. Tu composes 3 titres sur 5. On sait que tu es aussi beatmaker. On sent une grosse différence par rapport au projet précédent où un beat programmé semblait rester la base pour les arrangements. Peux-tu nous dire comment tu travailles la composition pour des musiciens, avec un mot sur les résidences? En fait, c'est vrai que quand j'ai commencé la musique, c'était un peu plus facile, entre guillemets, pour moi, de sortir mes idées en faisant du beatmaking. À l'époque, je commençais déjà à travailler avec les logiciels, voilà, avec la MAO, tout simplement. Et c'était la meilleure manière pour moi de retranscrire ce qu'il y avait dans ma tête, parce que j'avais pas de guitariste ou de pianiste à mes côtés. À l'époque, je connaissais pas beaucoup de monde. Donc, c'était une manière, d'aller plus vite et de faire toute seule. Je le faisais, je me rappelle, après ma journée de boulot, je m'asseyais derrière mon ordi et je composais. C'était à l'époque vraiment un plaisir pour moi. Il se trouve maintenant que, depuis tant d'années, je suis évidemment plus familiarisée avec la musique, mais j'ai pas eu non plus trop de temps. J'ai essayé maintes et maintes fois de me mettre au solfège et au piano, mais bon, après, on a toujours des projets de vie qui font qu'on s'y écarte, qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps pour ça, donc c'est ma faute, c'est sûr, mais c'est pas perdu, je pense. Donc à l'heure actuelle, pour composer, je fais un peu à l'ancienne, avec un dictaphone, et je fredonne des airs. Maintenant, je peux même faire toujours avec des logiciels, des a cappella, en essayant de fredonner les lignes de basse et les différentes harmonies. Donc c'est un peu comme ça que je travaille. Et puis après, avec les musiciens, on travaille vraiment de concert. On essaie de trouver la manière la plus appropriée de mettre en musique ce que j'ai fait avec que mes voix. Quand je suis partie, alors j'étais invitée dans une résidence au Canada entre 2011 et 2012. C'était une résidence d'écriture, donc on était parti pour travailler des textes en langue française. C'était lors d'un festival de francophonie et on devait évidemment composer. Donc c'est vrai que la plupart des élèves qui étaient avec moi, ils avaient tous leur guitare, leur ukulélé ou des trucs comme ça. Moi, j'ai dû faire pareil, fredonner. C'est pour ça que j'ai fait un effort au niveau de la mélodie première, la mélodie chantée. Et puis après, j'ai eu la chance d'être aidée par une pianiste. Je fredonnais les différents airs et elle replaquait les accords en fonction de ce que j'avais plus ou moins chantonné. Donc voilà, ça reste artisanal, hein, j'ai pas honte de ça. En tout cas, ça donne toujours des choses superbes à la fin. C'est comme si la terre arrêtait de tourner, les ancêtres ont nous fin pas séparés. Songez que l'emmerde tribulation y ont traversé, c'est pour que vous et moi restez sous terre. L'amour en que moi, vous êtes soleil qui a caressé pour nous, il bêtes et ses richesses. A payez-nous, et nous c'est vrai. Nous ni même histoire, nous ni même valet. Préjugé, péché, péché. '09, '11, '13, '16, '12, '8, '3, '5 titres. Tu es un des rares artistes alternatifs antillais à produire de façon aussi régulière. Tu réalises des projets qui, même courts, montrent à chaque fois une volonté d'explorer une facette différente, new soul française, hip-hop caco, électro, live caribéenne. Quel regard portes-tu déjà sur ta discographie? Et parle-nous du choix du format EP. Est-ce une adaptation au nouveau mode de consommation rapide de la musique ou le format idéal pour te développer aujourd'hui ? Tu sais, en fait, je suis indépendante et je le suis dès le départ et je m'accroche à ce statut d'artiste indépendante, ce qui me donne justement une très grande liberté dans mes choix de composition, dans ma direction artistique. Donc ça, je le prends vraiment à bras le corps. C'est très important pour moi dans ma liberté artistique de pouvoir me dire, bon voilà, je peux avoir telle direction aujourd'hui, mais demain je peux partir dans un autre sens. Et c'est vraiment du luxe pour moi, donc j'en profite, en tout cas j'essaie d'en profiter un maximum. C'est vrai que ben là encore, quand on a un dé, ben il y a malheureusement ce petit constat d'urgence. Il faut qu'on soit présent au maximum parce que si on ne l'est pas, ben personne ne vient forcément vous chercher. Donc on doit être présent et puis évidemment on fait en fonction des moyens. Et c'est vrai que moi, ben, j'ai sorti mon premier album, j'ai pris quand même pas mal d'années pour le faire, à peu près 3-4 ans pour aller depuis le premier texte jusqu'à la réalisation finale. Et puis après, ben, entre les scènes et la vie au quotidien, ben, du coup, on a un peu moins de temps de travailler la composition. Donc moi, je me fixais en général des objectifs. Voilà, ben, je vais essayer d'en faire cette année 5 ou 6 et puis voir un peu ce que ça donne en fonction de la direction que ça prend. Et ça donnait donc un 8 titres effectivement en 2011, un 3 titres en 2013 si je dis pas de bêtises, et puis après j'essaye entre temps de collaborer avec des beatmakers pour fournir des remixes, des choses comme ça, parce que ça m'amuse tout simplement. Et puis voilà, bon, c'est vrai que ben, en 2016, le monde, la vie, l'industrie artistique, musicale a vraiment, vraiment beaucoup changé. Hein. Moi, en tant qu'indé, je le vois et je le prends en pleine figure. Toute cette mutation est vraiment pas évidente pour nous. Et puis, franchement, je me mets pas de pression, tu sais, j'essaye tout simplement de faire ce que je peux. Là, je m'étais vraiment arrêtée à 4-5 titres. Tu sais, maintenant, les gens, sans juger, hein, c'est vrai qu'on est tellement sollicité, il y a tellement d'artistes, je dirais même que c'est presque saturé. Quelqu'un a pas toujours le temps de tout écouter. Même moi, je consomme encore beaucoup de musique, mais parfois, je prends le temps d'écouter un album alors que ça fait peut-être déjà 3-4 mois qu'il est sur mon ordi. Voilà, on a moins le temps et on fait ce qu'on peut, quoi, tout simplement. Et puis aussi le souci de coût, tout simplement. Les gens, ben justement, comme ils ont envie de consommer un maximum, ben, ils n'ont pas forcément envie de toujours mettre 9€ par album. Après, c'est sûr, il y a tout ce qui est streaming, mais ben justement, vu le coût du streaming pour un artiste, c'est pas la peine d'en fournir trop, quoi. C'est en tout cas mon opinion à moi, c'est vraiment mon opinion. Et puis voilà, bon, moi je me dis 5-6 titres, c'est correct maintenant, ça donne quand même une palette de la sensibilité de l'artiste sur le moment, et puis bah, ça permet aux gens de pouvoir varier plus rapidement, de pouvoir écouter plusieurs artistes sur une même heure, et voilà, on s'adapte en tout cas au monde d'aujourd'hui, et voilà, après je rêve quand même de refaire un vrai album avec au moins 10 à 12 titres. Je pense que je prendrai vraiment le temps pour ça, pour le mûrir. Voilà, je vais justement ne pas essayer d'aller trop vite sur ce coup-là. Donc, bon, bah, je ne garantis pas de revenir tout de suite, c'est sûr. Et bah, c'est le prix à payer. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que ça permet de rester dans l'esprit des gens. Et puis, j'en profite pour remercier justement tous ceux qui m'ont suivi. Parce que justement, bah, ils restent à l'écoute de ce que je sors. Et en général, bah, quand ils ont pris le premier, ben, ils ont aussi suivi les autres projets qui qui sont sortis juste après. Donc voilà, donc je fais un gros bisou à tous ceux qui me suivent depuis le départ. Et puis j'embrasse aussi tous ceux qui me découvrent aujourd'hui en 2016. Voilà. À l'époque de la rationalisation des musiques jeunes, réduction des coûts, set live minimaliste, semi-playback ou live basique, guitare-voix, tu nous sors un album musicalement riche, très jazz, qu'on imagine que sur des scènes plus matures. Parle-nous des éventuels projets de scène et du combat pour faire exister un tel projet. J'ai eu à quelques occasions l'opportunité de me produire sur scène avec cinq musiciens choristes. Ça, c'est ce que j'appelle le vrai luxe quand on est un chanteur, un interprète, d'avoir vraiment une section chœur, d'avoir vraiment toutes les harmonies, tous les musiciens, la section rythmique, batterie, percu. C'est du luxe, quoi. C'est vraiment un bonheur. Moi, si on me donnait le choix, je ferais que ça, en fait, hein, puisque j'ai jamais été très fan des formations réduites. Voilà, je suis pas choriste de Dominique Coco pour rien, c'est parce qu'on est très nombreux sur scène et puis on envoie la patate de cette façon, et c'est ça le live en fait. Mais bon, après, on est obligé de s'adapter, comme je l'ai déjà dit, et moi, projet de scène, ben, évidemment, en fonction des demandes, c'est de me produire en général en quartet. C'est ce que je fais déjà depuis 2 ans en général, j'ai eu l'occasion de voyager grâce à cette formule réduite, et donc voilà, on fait avec. Donc du coup, très souvent, j'ai pas de cœur, donc j'essaie d'aménager mes morceaux pour que ce soit un peu plus agréable quand même. Et voilà, après j'en appelle au festival. C'est sûr qu'on peut pas toujours avoir les grosses formations, mais c'est sûr qu'on se sent amputé quand on n'a pas l'occasion de donner vraiment ce qu'on a envie de donner. Voilà, bon, écoute, je vais pas pleurer plus que ça. Je suis déjà contente d'être encore là, contente d'être encore invitée dans des festivals ou dans des grosses manifestations. Et voilà, donc évidemment, je prévois de faire des scènes très bientôt. On va évidemment commencer par la Guadeloupe et puis j'espère d'ici quelques temps pouvoir venir sur Paris pour faire le reste et revoir mon public parisien. Et puis voilà, après, ben, j'en appelle aux dons, hein. Moi, je précise que sur mon site mimimusique.net, il y a un petit bouton don. Voilà, donc si vous voulez me donner la force ou m'aider d'une manière, vous pouvez soit déjà parler de ma musique et l'acheter, évidemment, mais aussi vous pouvez offrir. C'est vrai que j'aurais pu penser au crowdfunding. Mais bon, par principe, je le fais pas. Mais vous avez, vous, cette possibilité de me donner un petit coup de pouce pour que je puisse venir avec des vraies formations. Voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, merci encore pour l'invitation, EDS. Et puis, merci, à bientôt. Pour toujours, l'aile a fini par arriver. Nous te kevlés qu'elle y arrêtait. Et même si nous j'alla qu'a souffert, tous les pépas plus grands qui l'amour. L'aile a sonné ou vint grand nom. À présent, pas même besoin de répondre. Si on m'en dé au cas où que divini, des malais ou que rive Paris. La tristesse tout vent casal. Réfléchis avant ou va pas tard. On fond que a ou péqué j'en tout sait. On cap bien voir que c'est un homme qui tout bout là, qui capati en vent ta bête là, ton boulon est ni bon son garçon. Si vous faites jamais, ça pas caille qu'on ouvre. Après crier papa en que j'en bégrand l'océan pour moi payer cher. ça ou prend place, mais en France. Présence ça ou prend sens ou ça. Que voyager, que rendre vous plus vaillant. Pour que apprendre que pep on nous pas meilleur qui on dote. Mais que pour pep pas si la tête pas meilleur qui nous. Mais ou que toujours, toujours, tant que ou capable. Combattement à tambour. Notez Mimi Nelzi, M2E, M2E, plus loin Nelzi. Son EP s'appelle Deeply Rooted. Il est déjà disponible sur toutes les plateformes, sur sa page Bandcamp. À l'instant, vous avez entendu un duo avec Dominique Coco, Tambou Péké Jean Meloin. Et il joue le rôle de deux parents qui disent au revoir à leur fils qui part en France certainement pour faire des études. Et ce thème va nous permettre de faire une transition avec notre seconde invitée, Audrey Célestine. Audrey, bonjour. Bonjour. Donc Audrey Célestine est docteur en sciences politiques et maître de conférences en civilisation américaine à l'université de Lille 3. Et nous la recevons pour un livre qu'elle a consacré à une recherche qu'elle a faite sur... tu peux nous redonner le titre même du livre ? Tout à fait. Alors c'est Mobilisation caribéenne, la fabrique politique de l'identité à Paris et New York, voilà, qui voilà. Sera la rentrée. Donc nous allons en parler maintenant. Par rapport au sujet donc de cette chanson sur le départ pour la métropole, est-ce que, Audrey, sans trop dévoiler de ton histoire personnelle, est-ce que c'est quelque chose qui a pu t'amener à t'intéresser à ce sujet-là ? Ah oui, totalement. C'est que la migration, elle est tellement inscrite dans la vie des Antillais que, très clairement, moi j'ai eu tout... Très rapidement, moi je suis arrivée ici il y a 18 ans maintenant, c'est fou quand je dis ça, 18 ans, mais pour les études comme beaucoup de gens, et puis je me suis rendu compte que je m'inscrivais en fait dans une espèce de tradition, hein. Je ne suis pas la première génération, et effectivement le départ et le déchirement du départ ça a été au cœur de ce travail de recherche. Donc le travail de recherche sur cette migration des Antillais pour, alors là on parle de Paris, on peut dire pour la France, mais tu compares cela dans ton livre aux Portoricains qui vivent à New York. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là ? Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai vraiment eu envie de faire de la recherche après un séjour d'études aux États-Unis, où je découvrais, dans un sens, la question raciale, mais de manière très, très différente à la fois des Antilles et de ce qu'il pouvait y avoir en France hexagonale. Et... parce que ce n'était pas particulièrement évident de travailler sur ces questions-là dans le contexte français, j'ai fait comme pas mal de chercheurs, hein, j'ai fait de la comparaison. La comparaison, parler des États-Unis, ça permet de parler de la France, mais avec une espèce de distance. Et j'ai cherché une population qui était comparable, qui avait à la fois massivement migré vers une métropole, et qui en même temps, pour laquelle la question des papiers ne se posait pas, la question qui était citoyenne du pays vers lequel elle migrait, et... qui pour autant avait tout un tas d'enjeux autour de l'intégration, des discriminations, etc. Et finalement, les Portoricains, c'est pas la même situation exactement, mais en tout cas, l'idée de migrer massivement tout en étant un citoyen du pays vers lequel on migre faisait que la comparaison avait du sens a priori. Alors justement, lorsqu'on découvre le sujet de ta recherche... un peu formaté par la France, mais on se dit que la France et les États-Unis sont deux modèles très différents. Donc d'un côté, on va dire un modèle communautaire, et de l'autre, le modèle républicain à la française, l'intégration, voire l'assimilation. Or, lorsqu'on commence à lire, on voit énormément de points communs dans la façon dont les deux pays ont accueilli, intégré ces communautés. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différences, mais aussi des similitudes ? Bah, tout à fait. L'idée de faire de la comparaison, c'était de montrer deux trajectoires. Moi, très rapidement, j'ai eu envie d'aller à l'encontre de l'idée qu'il y a un modèle français rigide et un modèle américain rigide, tout simplement parce que j'ai constaté qu'il y avait un usage qui pouvait être fait des communautés, de l'ethnique. Enfin, je ne sais pas comment on peut le désigner, c'est toujours une question en France, alors qu'aux États-Unis, il y avait malgré tout, cette incitation très forte aussi à l'assimilation, et que finalement, les idées qu'on pouvait avoir d'un pays comme de l'autre étaient peut-être à déconstruire au moins en partie. Et je me suis rendu compte effectivement qu'à partir du moment où je décidais que non, la France et les États-Unis, c'est pas nécessairement très différent, bah, qu'on voyait beaucoup de choses communes dans les trajectoires collectives des populations dans ces deux pays-là. Donc voilà, très clairement, il y avait cette idée de faire un peu table rase et de me dire, bon, bah, très concrètement, ce que je vois, c'est que il y a une vivacité du milieu associatif qui n'est pas, forcément vue négativement, au contraire, en France. On met en avant le fait que c'est bien de s'associer, c'est bien de faire des associations. Il y a une forme d'encouragement, notamment par le biais de subventions, etc., au milieu associatif de l'immigration ou dit communautaire, mais que le discours, il est beaucoup plus ambigu que ça. C'est-à-dire que la dénonciation du communautarisme dans l'espace public, ça va aller de pair avec un encouragement de certaines formes de regroupement, et que du coup, c'est cette ambiguïté, on pourrait parler parfois d'hypocrisie, je m'arrêterai à ambiguïté, faisait que ben, ça valait le coup de passer quelques années à faire de la recherche sur ça. Lorsqu'on voit les points communs, alors peut-être dans les caractéristiques des deux populations, mais aussi des revendications, on voit qu'il y a des deux côtés, donc aux États-Unis, New York comme à Paris, il y a la question des discriminations, la culpabilisation vis-à-vis de l'assistance, donc l'assistana dont on parle dans les deux cas, et le côté citoyen de seconde zone, puisque on va dire que l'originalité principale dans les deux cas, c'est qu'il s'agit de populations qui migrent, mais qui sont effectivement citoyennes du pays, du pays d'accueil. Et je voulais savoir, si, vu que tous ces points rattachent, on va dire, portoricains et ultramarins, je voulais savoir si c'était dû à ces populations-là, au fait de migrer, ou vraiment aux similitudes qu'il y a entre la France et les États-Unis ? Je pense que c'est qu'il y a de vrais points communs, en tout cas, entre ce statut de citoyen qui effectue un déplacement et qui n'est pas reconnu nécessairement comme tel à l'arrivée. Beaucoup d'Antillais sont arrivés ici, comme on dirait, la fleur au fusil, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment arrivés, c'était vendu un peu comme un simple déplacement sur le territoire national, et puis se rendre compte à l'arrivée que bah, c'est pas exactement pareil, qu'il y a quelques difficultés, que cette France et cette citoyenneté française qu'on leur a vendue, bah, elle correspond pas nécessairement à la condition dans laquelle ils vivent. Pour les Portoricains, bah, ils doivent dans une large mesure expliquer aux gens qu'ils sont des citoyens américains et que c'est pas eux qui l'ont demandé. Et ils se retrouvent notamment à essayer de mettre en avant le fait que leur situation, c'est pas exactement la même que celle d'autres populations qui viennent d'Amérique latine, qu'ils sont effectivement des citoyens, qu'ils ont droit à un certain nombre de choses. Et pour autant, en plus il y a la question de la langue, mais ça c'est encore autre chose. Mais du coup, moi je pense que c'est vraiment ces situations-là qui font qu'on est dans quelque chose de commun. Il y a autre chose, c'est que s'agit de deux populations caribéennes, ça c'est aussi une chose qui me tenait à cœur, qui viennent de sociétés post-esclavagistes, pour lesquelles la question raciale se pose, en France comme aux États-Unis. Pour les Portoricains, on a une population qui ne se définit pas nécessairement comme noire. D'ailleurs, à Porto Rico, il y a quand même une minorité d'esclaves, donc la population se voit plutôt comme blanche, et puis arrive aux États-Unis, d'un coup, ils sont plus blancs. Pour les Antillais qui arrivent ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pouvaient se définir de tout un tas de manières, mais qui ne se voyaient pas nécessairement comme des Noirs ou comme des gens différents. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a aucune question raciale dans la Caraïbe et que d'un coup, tout le monde découvre tout ça une fois qu'on a migré. Mais je veux dire, les choses se posent quand même malgré tout. L'altérité se pose de manière différente. Et ça fait partie de l'expérience commune, même si c'est dans deux contextes différents. On va faire une petite pause musicale, puisque l'émission s'appelle Musique Jeudi, donc on va quand même garder le lien avec la musique. On a demandé à Audrey de nous faire une petite sélection de titres, donc elle nous commentera ses choix au fur et à mesure. On démarre avec un titre de Mario Canonge. Yehudi moins fort parti sur les connaître la vie. Pays a trop piti ici, pas qu'à épanoui. Alors, moi écoutez ça, yodi. Moi quitte pays, moi longtemps, longtemps, tellement longtemps, bon Dieu, que moi déjà oublié. qui richesse nous tenir. Yadan, tout petit jardin nous rend. Il est là, pays a pas bien grand, mais c'est lui qui tout face, c'est lui qui laisse quoi nous toujours. Je dis moins qu'à crier. Malgré moi, j'ai voyagé. C'est moi préféré, c'est pays moi, c'est la gagne, c'est la moins éveillée. Parce que pays a toujours un tien moi. Mon pays qui mérite des rois. C'est lui moi, mais toujours plus fort. C'est la moins. Pays a toujours un tien moins. Mario Canonge, Serge Ponsard. Pourquoi ce choix, Audrey ? C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée. Comme je te disais tout à l'heure, ça fait pas très longtemps que je peux l'écouter sans avoir les larmes aux yeux. Parce que je pense que cette expérience... Moi, ce que j'ai essayé de faire dans la recherche, qui est une recherche académique, sérieuse, avec des concepts, etc., c'était à la fois de rendre compte de situations, mais sans jamais perdre de vue le fait que partir à 8000 km de chez soi, c'est un déchirement, que c'est une souffrance, que c'est à la fois parce qu'on aspire à autre chose. On ne part pas nécessairement de chez soi parce qu'il y a la guerre, parce qu'on meurt de faim, mais aussi parce qu'on aspire à autre chose, qu'on veut faire des études, qu'on aspire à vivre plus décemment ou à se nourrir d'autres choses. Et que très souvent, même quand on part en étant extrêmement bien préparé, pense-t-on, c'est une souffrance. Et de réussir à faire l'équilibre entre analyser la manière dont concrètement les Antillais dans l'Hexagone avaient pu se regrouper collectivement, avaient pu mener des actions, celles qui avaient abouti, celles qui n'avaient pas abouti, tout en tenant compte, quelle que soit l'analyse que je puisse faire de ça, du fait qu'il y a quand même cette situation de départ qui est ancrée dans une forme de douleur. Voilà, moi je trouve que cette chanson, elle renvoie bien à ça, c'est-à-dire qu'on est, on vient d'une île sur laquelle on peut même parfois étouffer, on a besoin de partir, on a besoin d'aller voir autre chose, et c'est dur d'être loin. En tout cas, pour moi, c'est le cas. C'est dur d'être loin. C'est important pour moi d'y revenir longtemps. Et puis, il y a un vrai encouragement à partir. C'est-à-dire qu'on est quand même, quand on vient de Martinique ou de Guadeloupe, on vient d'espaces dans lesquels il y a un très, très fort encouragement à partir à un moment donné. Et de fait, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, 53% des gens qui sont nés en Martinique ne vivent pas en Martinique. C'est une population extrêmement mobile parce que la mobilité et la migration sont inscrites dans l'histoire des deux derniers siècles au moins, voire plus de la Caraïbe, mais également parce qu'il y a des politiques publiques qui ont été appliquées dans ces endroits depuis la départementalisation et qui encouragent au déplacement, je parle du Bumidome, mais également de tous les dispositifs qui peuvent exister depuis avec des conséquences réelles sur les pays de départ. Et que, voilà, je trouve que dans... Cette chanson-là, moi, elle me renvoie à tout un tas de raisons pour lesquelles je fais cette recherche et pour lesquelles je pense que ces enjeux-là sont des enjeux majeurs à la fois pour ceux qui sont ici et pour les îles là-bas. Tu parlais donc à l'instant du Bumidome. Donc là, on est dans les années 60. J'ai été surpris en lisant le livre d'apprendre qu'il y avait un Bureau of Employment and Migration à New York, donc qui concernait la population portoricaine. Quel parallèle on peut faire entre... on va dire, ces deux politiques volontaristes de migration. Je pense que ça, c'est un des points, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, c'est un des points importants de la comparaison. Lorsque j'ai décidé de travailler sur les Portoricains, en commençant à faire un peu de recherche, je suis tombée sur la très belle thèse de Monique Milia, qui est enseignante en Guadeloupe, à l'université, et qui a fait une comparaison entre le Bumidome et ce bureau de migration des Portoricains, ça correspond à peu près au même type d'objectif. C'est des bureaux qui sont faits à peu près à la même période et qui consistent à déplacer vers les métropoles les populations pauvres, qui n'ont pas d'emploi dans des contextes économiques qui sont difficiles et dans un contexte social qui est également tendu. Donc tout ça sous couvert de surpopulation. Mais la surpopulation, c'est une notion qui est extrêmement relative. En tout cas, à ce moment-là, on estime que la solution de développement pour les deux îles, ça va être de déplacer globalement les pauvres et d'encourager comme ça à partir à un moment où les métropoles ont besoin d'une main-d'œuvre. Donc très très clairement, le fait qu'il n'y a pas de hasard, c'est pas très clair dans la recherche jusqu'à présent de voir s'il y a vraiment des liens très concrets entre les gens qui ont mis en place tout ça en France et ceux qui ont mis ça en place à Porto Rico et aux États-Unis. En revanche, on peut remarquer que ça se fait à peu près à la même période pour des objectifs qui sont relativement communs. Et ça aussi, le fait que la migration ait été en large partie encadrée par les pouvoirs publics, c'était un des points qui me semblait intéressant dans la comparaison entre la France et les États-Unis. Il y a une des raisons donc, de la mise en place du Bimidom qui est évoquée dans le livre, c'est le contexte donc, social ou même politique aux Antilles, donc avec certaines revendications indépendantistes, etc., donc, qui était un peu de freiner les forces vives jeunes à ce moment-là. Est-ce que c'était le cas aussi pour Porto Rico, qui avait également un passé colonial ? Est-ce que c'était pareil ? Mais globalement, la question indépendantiste, elle revient de manière extrêmement régulière aussi sur la scène politique portoricaine. Et effectivement, à l'époque, on avait tout un tas de mouvements qui étaient organisés, mais également depuis les États-Unis, depuis New York, de contestation de l'ordre politique tel qu'il était mis en place à Porto Rico. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les années 40, à Porto Rico, on a toute une politique intensive d'industrialisation. On a une politique où on veut faire de Porto Rico une espèce de vitrine du capitalisme. Donc, il y a vraiment une espèce de politique volontariste aussi qui est mise en place à ce moment-là dans l'île, avec des politiques publiques qui vont aussi très très loin. Il y a des politiques de stérilisation des femmes pauvres, etc., que j'aborde pas dans le livre, mais qui sont très clairement assez caractéristiques d'un régime colonial. Donc oui, on a des choses qui sont très, très proches entre les Antilles et Porto Rico. Du coup, une question que je m'étais... Parce que là, on a parlé de ceux qui partaient, donc on va dire dans les années actuelles, ou depuis 90-80, qui partaient simplement par choix pour faire des études. On voit qu'avant, il y avait quand même cette politique beaucoup plus... d'encouragement au déplacement, ou la nécessité en tout cas de partir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Moi, je suis également dans ce cas donc d'être parti à Paris pour mes études. Le premier contact d'association ou de choses comme ça qu'on a, c'est dans le milieu festif. Donc les soirées, l'organisation des carnavals, des centres dans le sud. Je voulais savoir pourquoi tu t'es plus penché sur les revendications politiques que sur les rassemblements culturels ou les choses comme ça. Ce qui se passe, c'est que au début des années 2000, donc ça faisait quelques années que j'étais ici, et j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait un certain nombre de collectifs qui émergeaient et qui avaient à cœur de représenter les intérêts de l'ensemble des Antillais ou des ultramarins, le langage changé, et que ça change, que du coup il y avait une transformation et une évolution par rapport à ce que j'avais déjà repéré, effectivement, qui étaient les associations plus locales, dans certaines communes de la région parisienne notamment, et qui étaient soit sur des questions... de fêtes, de divertissement, ou sur des questions un peu militantes, parce qu'il y avait aussi quelques associations vers Créteil autour de la question du créole, etc. Mais qu'effectivement, il me semblait qu'au tournant des années 2000, se passait quelque chose, qu'il y avait eu l'émergence de mobilisation. Et je pense particulièrement au comité marche du 23 mai, au collectif d'hommes. Et effectivement, il se passait quelque chose dans le milieu associatif. Ce que la recherche m'a montré, c'est que malgré tout cela s'inscrivait dans une histoire plus longue de militantisme associatif antillais et ultramarins. Donc les choses ne sont pas débutées à ce moment-là, mais avec la marche de 98 qui donne lieu plus tard au comité marche du 23 mai, toutes les mobilisations autour de la mémoire de l'esclavage, et puis avec l'action plus de lobbying du collectif d'hommes, il y a clairement quelque chose, une visée nationale. Le fait de ne pas nécessairement s'inscrire dans le sillon du ministère des Outre-mer, du ministère de l'Outre-mer à l'époque, de ne pas nécessairement être dans les canaux qui était généralement dédié aux associations antillaises ou ultramarines. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et j'ai commencé la recherche au moment où ça se faisait. Donc, ce n'était pas forcément facile à analyser, parce que ça se faisait en même temps que je travaillais dessus. Mais voilà, il y a quelque chose quand même qui s'est passé en termes de montée en puissance de collectifs très différents. Collectifs d'hommes et comité marche du 23 mai, même s'ils ont pu travailler sur certains dossiers ensemble, sont quand même des collectifs très différents, mais il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, et c'est ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre pourquoi à ce moment-là il se passe quelque chose en France. Et du coup, la question que je me posais, c'est Est-ce qu'on peut résumer, alors c'est peut-être pas simple, mais quelles sont les revendications au final de ces associations et quelles en ont été les réalisations? Je sais par exemple que la marche de 98 a précédé la reconnaissance de l'esclavage et de la traite comme crime contre l'humanité ou des choses comme ça. Mm-hmm. Quel bilan pourrait être fait de cette période? Alors c'est toujours compliqué, effectivement, la question du bilan. Très clairement, pour le comité marche, je pense qu'il y a vraiment eu un travail important pour visibiliser un certain nombre d'enjeux autour de la mémoire de l'esclavage, qu'il y a eu un certain nombre d'actions. Puis bon, il y a quand même des actions aussi qui se font au niveau local, autour de la généalogie, autour de la commémoration. Donc je pense qu'ils ont réussi à mettre sur la table et à rendre visible un certain nombre d'enjeux autour de l'identité, autour de la question de la mémoire de l'esclavage, et qui réussissent à réunir du monde. Très concrètement, le CM98, il organise sa commémoration, il fait venir des gens qui ne sont pas forcément des militants au quotidien, mais qui du coup entendent parler de ces choses-là grâce à l'action de cette association. Donc je pense qu'elle a réussi, et c'est pas peu de choses, à faire reconnaître l'importance de ces enjeux-là, et puis continue son action jusqu'à aujourd'hui. Je pense que pour le collectif d'hommes, il y a également eu un certain nombre d'enjeux qui ont été mis sur la table autour de la tarification aérienne, entre l'Outre-mer et l'Hexagone, autour de la question des discriminations, et puis autour de la reconnaissance de manière générale de la nécessité d'égalité pour les citoyens originaire de l'outre-mer. Donc voilà, mon ouvrage, il n'est pas exempt de critiques sur des actions politiques et des actions publiques. Mais c'est vrai qu'on doit reconnaître que les collectifs qui se sont mobilisés pendant toutes les années 2000 ont rendu visible un certain nombre d'enjeux, ont permis aussi d'offrir des espèces de porte-parole. Alors, que représente-t-il exactement? Est-ce que l'ensemble des ultramarins ou des Antillais se trouvent représentés par eux? C'est une vraie question. Mais en tout cas, ils se sont posés en porte-parole des intérêts des Antillais de l'outre-mer. Et c'est une chose qui est, je pense, apportée à leur crédit. Alors tu dis que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils représentent véritablement les Antillais d'outre-mer? Donc tu le développes dans l'ouvrage. Je trouve ça assez intéressant. Qu'est-ce qui donne la légitimité à ces associations? La difficulté, je pose une question peut-être sur la recherche, la difficulté d'identifier en fait cette population, parce que bon, comme en France il n'y a pas de statistiques par exemple, tout simplement, et on identifie cette population via les associations, donc c'est souvent le travail des ministères ou des choses comme ça. Quelle idée tu as de leur représentativité? Disons que Pour être tout à fait honnête, moi j'ai commencé cette recherche parce que je recevais sur des mailing lists, etc. J'étais sur pas mal de sites à l'époque, Vol Créole, etc. Machin. Et donc on avait pas mal de choses sur des associations qui se montaient, qui se mobilisaient, puis qui prétendaient représenter l'ensemble des Antillais. Je me disais, moi, je suis antillaise et je ne me sens pas particulièrement représentée ou concernée par la manière dont ces associations formulent des enjeux. Et du coup, cette question de la légitimité et de la représentativité, elle était au cœur de ma recherche. C'est-à-dire que je me disais, bon, il y a des porte-paroles, mais de qui ces gens sont-ils porte-paroles? Et c'est une vraie question qui ne peut pas, je veux dire, dans leur travail, de leur point de vue à eux, c'est compliqué de représenter une population qui est aussi large, qu'on a du mal à quantifier. Il y a tout un tas d'enjeux sur combien est-ce qu'il y a d'Antillais d'ultramarins dans l'Hexagone. On n'a que des estimations, très clairement. Moi qui suis née ici, mais qui ai grandi là-bas, qui suis revenue ici, je suis invisible dans les statistiques parce que je ne suis pas une native d'outre-mer. Et il y a quand même plein de gens dans ma situation qui, du coup, passent complètement entre les mailles du filet. Et du coup, voilà, pour moi, très clairement, ce ne sont pas des associations de masse, ce ne sont pas des associations qui représentent un mouvement social massif. Elles portent des enjeux, elles formulent des enjeux et des intérêts qui existent et qui sont importants et qui, je pense, sont reconnus par une partie de la population. Mais après, de fait, il y a un flou entre dans quel la plupart des Antillais à qui on pose la question ne connaissent pas ces associations. Et effectivement, ça peut être un problème, mais en même temps, c'est vrai que Est-ce que c'est-à-dire que l'action de ces associations est inutile ? Je ne suis pas sûre non plus. Une des manières d'avoir une forme de légitimité pour ces associations, je pense particulièrement au comité marche du 23 mai, c'est quand ils organisent leur chemin de fer au mois de mai, par exemple, ils sont dans plein de communes en région parisienne, ils travaillent avec des associations locales qui elles-mêmes sont des relais dans leur ville, dans leur commune, et ça permet du coup d'atteindre un nombre de personnes qui est plus large que les seuls membres de l'association. Mais de fait, non, si on pense que si on veut essayer de voir dans quelle mesure ces associations rassemblent ou représentent l'ensemble des entiers, ce n'est pas le cas. Et pour alors qu'en est-il de la population portoricaine ? Est-ce que c'est une question qui ne se pose pas ? Est-ce que c'est plus simple ? C'est une question qui se pose également, malgré le fait qu'on a des statistiques qui permettent d'avoir un peu plus précisément le nombre de portoricains, d'originaires de Porto Rico, etc. Mais c'est une question qui se pose également, parce que là aussi, on a des acteurs collectifs, des associations, des organisations qui, à un moment, disent « voilà, je parle au nom des portoricains ». Avec la différence, malgré tout, c'est qu'on est à une échelle qui est beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'une partie des associations, je vais te parler concrètement d'une des associations sur laquelle j'ai travaillé et qui avait comme objectif de repérer des jeunes portoricains dans les lycées, d'en faire des leaders pour la communauté, en gros, ce qui est quand même assez éloigné de ce qu'on peut avoir dans le cas français, et de leur donner des cours du soir, de leur donner des cours sur l'histoire des portoricains, d'insuffler une espèce de fierté à ces gamins pour qu'ils puissent, dans un deuxième temps, plus tard, give back, c'est-à-dire qu'ils peuvent rendre à la communauté ce qu'on a pu leur offrir. Et il y a tout un travail de repérage comme ça de jeunes qui s'est fait, mais qui était favorisé par un élément qui est qu'il y a des quartiers portoricains, c'est-à-dire qu'il y a un regroupement ethnique, le sud du Bronx, dans une des chansons que j'avais données, je ne suis pas sûre qu'on la passe, mais c'est un peu une forme de boutade, c'est une chanson de Jennifer Lopez, Jenny from the Block, mais ce qu'elle raconte, c'est moi je viens du sud du Bronx, où il y a 75% de portoricains, et même si j'ai réussi, etc., j'oublie pas d'où je viens, et je vais rendre à la communauté qui m'a porté. Et c'est un peu ça le message qu'on retrouve chez les portoricains. Mais encore une fois, non les associations, non les collectifs portoricains ne représentent pas l'ensemble des portoricains. Ils prétendent le faire, et c'est pas forcément mal, mais ils ne les représentent pas nécessairement tous. Donc Audrey a demandé à ce qu'on passe le morceau. on va passer un petit extrait. Ça va changer de ce qu'on joue habituellement dans Musique Jeudi, mais pourquoi pas. Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a living. Hello, off the block this year, went from a low to a lot this year, everybody mad at the rocks that I wear, I know where I'm going and I know where I'm from, you hear locks in the air, yeah we at the airport out, D block from the block where everybody air forced out, with a new white tee you fresh, nothing phony with us, make the money, get the mansion, bring the homies with us. De Mario Canonge à Jennifer Lopez, donc comme Audrey nous disait, elle est très, très éclectique. L'une des problématiques dans l'accueil des populations qui migrent, ça a été en France de diluer au maximum la population antillaise. Donc il n'y a pas eu, comme tu as dit, de regroupement géographique de cette population, même des difficultés ensuite à l'identifier clairement. Tandis qu'aux États-Unis, voilà, on a ce genre de champs de revendications assez évidentes. Donc tu parlais du South Bronx ou d'autres quartiers. Je crois que dans le livre, tu parles du fait que selon que ton niveau de ta classe sociale à Porto Rico, tu pouvais aller soit à Manhattan, soit dans des quartiers plus pauvres comme le South Bronx. Je voulais savoir en quoi cette dilution de la communauté antillaise à Paris a rendu difficile le fait de porter des revendications politiques. Alors, de fait, je ne suis pas sûre... Enfin, c'est compliqué d'identifier un quartier. Il n'y a pas de Little Caribbean ou de Petites Caraïbes, de Petites Antilles en région parisienne. Pour autant, voilà, il y a des stations de RER, on descend et puis ça parle créole partout. Il y a quand même les trois quarts des personnes qui sont venues des Antilles qui sont restées en région parisienne. Pas nécessairement tous dans les mêmes quartiers, pas d'encouragement certainement pas à vivre dans les mêmes endroits. Hein. Il y a des travaux très intéressants sur, par exemple, les offices HLM qui, de fait, ne veulent pas qu'il y ait des regroupements. Mais ce qu'on a, moi je travaille avec un groupe de recherche qui s'appelle GARP là, depuis quelques années, Génération d'Antillais en région parisienne, et on a fait pas mal d'archives locales, notamment dans des communes comme Aulnay, et on se rend compte qu'il y a certains quartiers où il y a, parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France officiellement, mais il y a quand même dans certaines municipalités ou dans certaines administrations, on voit qu'il y a des choses officieuses qui se font, qui se sont faites. Ça, c'est quand même une des, justement, des ambiguïtés, entre guillemets, de la situation française. C'est que malgré tout, certains élus locaux ont malgré tout tenu à faire un certain nombre de choses de ce type-là. Et on voit qu'il y a des quartiers où il y a 40% d'Antillais, 40% de migrants antillais qui vont vivre dans certains quartiers. Après, ça a donné lieu à des formes associatives qui ne sont pas forcément des formes associatives politisées. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aux États-Unis, une des raisons pour lesquelles les associations politiques, ou en tout cas qui avaient des revendications, ont émergé et se sont vraiment professionnalisés à un moment donné, c'est qu'il y a eu des sous pour le faire. C'est qu'à un moment donné, dans les années 60-70, on a des millions, des dizaines de millions de dollars qui sont donnés au milieu associatif dans l'idée, voilà, vous allez nous aider à combattre la pauvreté. Et en vous donnant les moyens, vous qui êtes au plus près, ça va monter vos associations, former vos personnels, ayez des professionnels de la lutte contre la pauvreté, et puis vous, occupez-vous des gens au niveau le plus au niveau du quartier, ce qui est effectivement pas forcément la méthode française de faire les choses, qui avait pour avantage de renforcer le milieu associatif, pour désavantage que si ça fonctionne pas et si on n'arrive pas à lutter contre la pauvreté, c'est de la faute de ceux qui ont eu des sous et qui n'ont pas réussi à en faire quelque chose. Donc du coup, je pense que ça a été un gros coup de pouce aux associations portoricaines. Il y a autre chose, c'est qu'il y avait le mouvement pour les droits civiques à la même période qui a été une grosse inspiration et une grosse motivation pour les associations portoricaines qui, à ce moment-là, ont pu justement se mobiliser de manière un peu massive et importante. Et pour... je pense que ça, c'est une des raisons aussi qui explique ces différences entre les deux pays. Il y avait un parallèle donc, entre population portoricaine et antillaise que je trouvais intéressant, c'était sur l'obligation, la nécessité, on va dire, de manœuvrer en noyant ces revendications dans un groupe plus large. Alors, pour Porto Rico, c'était représenter les hispanos, donc toute la population hispanophone aux États-Unis, donc y compris forcément donc des latino-américains qui ne sont pas citoyens américains. Et pareil pour les Antilles, avec le terme donc d'ultramarin, donc de représenter les outre-mer. Et qu'à chaque fois, c'était des dénominations qui venaient souvent d'en haut. Oui, tout à fait. Je voulais savoir quel regard tu portes sur ces deux dénominations, en fait. Mais ça a été une des dynamiques qui était très intéressante en faisant la comparaison. Et c'est en fait en voyant la manière dont les Portoricains étaient à la fois en lutte pour mettre en avant leur spécificité de portoricain, mais en même temps, quand on a une association hispanique, on représente plus de monde que quand on est juste des portoricains. Et donc, il y a vraiment cette espèce de bataille entre on a une identité particulière de portoricain, puis en même temps, on représente l'ensemble des hispaniques. Et à ce moment-là, en France, on voyait de plus en plus apparaître les termes ultramarin, outre-mer, alors que moi, je connais personne qui se définit comme un ultramarin. En réalité, il va appeler son association des ultramarins. Moi, je connais personne qui dit je suis un ultramarin. Et puis, c'était aussi le moment de l'émergence du CRAN et de la question noire, à laquelle des associations antillaises ont souvent assez négativement réagi. Et du coup, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir comment les populations voulaient à la fois défendre leur spécificité, tout en acceptant plus ou moins de se mettre sous un chapeau un peu plus large, parce qu'on représente juste plus de monde quand on est ultramarin. Noir, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas forcément légitime dans l'espace public français, puis en même temps c'est pas si mal accueilli que ça par les pouvoirs publics, encore une fois toute l'ambiguïté de la situation française. Et que cette espèce de lutte là pour moi elle était importante, parce que si tu veux, souvent, quand j'expliquais ce sur quoi je travaillais, les gens ont l'impression que c'est extrêmement... Disons, les Antillais en France, les Portoricains aux États-Unis, c'est très restreint. Je dis oui, mais en même temps, non, c'est très restreint, mais ça renvoie à des enjeux qui sont des enjeux extrêmement large. Qu'est-ce que c'est un Antillais ? Qu'est-ce que c'est un Antillais dans l'Hexagone ? Est-ce que les enfants, les petits-enfants sont comptés dedans ? Est-ce qu'à partir du moment où un petit-fils de Martiniquais se définit plutôt comme un noir, est-ce qu'on l'inclut ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire de se définir comme noir ? Qu'est-ce que ça veut dire de refuser de se définir comme noir ? Tous ces enjeux-là, ils traversent les communautés, entre guillemets, les populations originaires d'outre-mer et des Antilles. Et je pense que c'est des questions qu'il faut aborder de manière un petit peu frontale. Et ces dynamiques-là, l'opposition qu'on pouvait avoir à une question noire il y a 10 ans, qui n'est peut-être pas exactement sur ces mêmes termes aujourd'hui, elle est importante. Le fait que dans une association antillaise, publiquement, l'association va dire « nous, on refuse complètement d'être représenté comme une association noire, c'est racialiser le débat français, et comment dans des interactions on va dire « oui, mais nous, machin, on sait bien que les Noirs sont traités comme ça en France », le fait de pouvoir se définir comme noir dans une sphère privée, mais pas publiquement, pour moi, ça, c'était pas des enjeux qu'on devait écarter, ça fait partie de la recherche, et c'était des enjeux qui étaient essentiels pour moi. Tout comme aux États-Unis, le fait que... Il y a une anecdote que je raconte dans l'ouvrage et que j'ai racontée 20 fois à mes étudiants, etc., parce que je la trouve vraiment intéressante. J'ai téléphoné à une des organisations portoricaines sur laquelle je voulais faire du terrain. Donc, j'ai envoyé un email en me présentant comme une doctorante française qui travaille sur ces questions, etc. Et la personne m'a dit « Bon, moi, j'ai pas le temps de vous recevoir, mais bon, si vous voulez, venez, on a une réunion publique à ce moment-là. » Je suis venue. Et je me suis présentée à la fin en disant « Bonjour, je suis la doctorante, je vous ai écrit il y a quelque temps. » Et la femme me regarde et elle me dit « Audrey, why didn't you tell me you were a sister ? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous étiez une sister ?» Je me suis dit « Bon, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça comme ça ?» Mais parce que clairement pour elle, le fait que je sois noire, que je sois antillaise, ça voulait dire que bon ben du coup il y avait plus de... Elle allait me répondre beaucoup plus facilement, alors même que son association, elle la présente pas comme une association noire, antillaise, ouais, caribéenne, c'est une association de portoricains, mais qui s'adresse à un public qui est un public large. Il y a encore beaucoup de questions, mais peu de temps, donc on va aller on va essayer d'aller à l'essentiel. Alors qu'est-ce qui me reste ? J'avais une question sur le... un thème qui revient, je trouve, c'est la crispation autour de la question de la mémoire, mm-hmm, devoir de mémoire, tu fais référence à la concurrence des mémoires, de choses comme ça. On a l'impression que tu poses un regard assez circonspect sur l'approche de ces associations vis-à-vis de cette question. Est-ce que c'est le cas ? Circonspect, non. C'est-à-dire que moi, je suis venue à l'étude, et c'est une chose que j'ai eu l'occasion de dire, notamment invité par le comité marche du 23 mai, pour leurs 10 ans, ils voulaient faire intervenir les chercheurs qui avaient travaillé sur eux. Et du coup, moi, j'ai dit de manière très honnête qu'au départ, j'avais une forme de méfiance et d'incompréhension, parce que j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille dans laquelle on parlait de ces questions-là, et où du coup, j'avais pas le sentiment d'avoir un malaise identitaire par rapport à ces questions. Mais c'est vrai qu'en faisant du terrain sur eux, en interrogeant les militants, je me suis rendu compte de la souffrance que pouvait avoir une partie des personnes autour de cette mémoire-là. Mais que malgré tout, voilà, je me pose effectivement des questions sur une partie des stratégies politiques, sur le fait de vouloir absolument être défini en termes de victime, alors même que l'action de l'association, quand on regarde ce qu'elle fait très concrètement, va bien au-delà de ça. Moi, il y a une des militantes qui me disait qu'elle avait beaucoup de mal aussi avec l'idée d'être présentée comme une victime, alors que tout ce qu'elle apprenait dans l'association, c'était le contraire de ça. C'était le fait de se poser, non pas du tout comme une victime, mais de se réapproprier une histoire et d'en faire une force. Et du coup, voilà, moi, je pense que c'est, les associations sont prises entre les dynamiques internes, notamment identitaires, et puis ce que les pouvoirs publics qui offrent de la reconnaissance ont besoin ou envie d'entendre. Ta recherche s'est arrêtée en 2009, c'est bien ça ? C'est ça. Je voulais savoir si en 2016, avec le poids des réseaux sociaux, des choses comme ça, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais encore que ce sont ces associations qui représentent les populations antillaises aujourd'hui ? Alors déjà, je ne le dis pas non plus pour la période précédente. Hein. Je ne pense pas qu'elles représentent, je pense qu'elles aspirent à représenter. Et aujourd'hui, non, parce que bon, alors, autant le CM98 continue à être très actif, le collectif d'hommes plus vraiment, qu'il y a d'autres choses qui se sont mises en place, le CREFOM, etc., sur lesquelles auxquelles je m'intéresse également. Mais oui, je pense que de fait, et les réseaux sociaux, et par exemple, il y a tout un tournant très entrepreneurial dans le milieu associatif antillais. On est très sur montage d'entreprise, networking, etc. Et donc, moi, je pense qu'il y a un nouvel âge des associations de l'outre-mer qui est en train d'émerger, qu'il faudrait clairement étudier. J'invite tous les aspirants chercheurs à le faire. Mais voilà, je pense qu'il y a de fait des transformations depuis ces dernières années, oui, très clairement. Juste une petite citation, parce que tu parlais justement, tu le dis aussi dans le livre, qu'on a pu te faire la remarque que ton sujet de recherche était exotique, on va dire minimiser la portée de ce sujet. C'est quelque chose qui m'a interpellé, que j'ai trouvé vraiment en parallèle, qui résonnait avec l'actualité en France, c'est-à-dire au-delà de la communauté des Outre-mer. Tu disais que les nativistes aux États-Unis étaient favorables à une restriction de l'immigration de ceux qui seraient géographiquement ou culturellement trop éloignés. Cette restriction leur paraît nécessaire pour ne pas courir le risque d'une altération de leur identité aux fondements républicains et protestants. Et j'ai trouvé que ce soit pour la question de l'intégration des Turcs dans l'Union européenne, tous les débats aujourd'hui sur les musulmans en France, je trouvais qu'il y avait un parallèle à faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ben oui, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on est dans une période assez sombre et que très clairement, les débats nativistes aux États-Unis, de refermement comme il y en a de manière un peu cyclique, Dans ce pays, voilà, on est quand même face à on est à la fois dans une période où dans l'espace public il y a une espèce de parole raciste qui est complètement libérée. On est dans une situation qui est vraiment extrêmement, je trouve extrêmement problématique. Et en même temps, la vie, mes étudiants, la recherche, j'ai envie de parler du concert de Kassav dans lequel j'étais la semaine dernière, tout ça montre qu'il y a une autre France qui existe, alors qui n'est pas du tout celle dont ont envie les nativistes à la française, mais qui va à l'encontre de tout ça, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui se mélangent, parlent, discutent, et c'est pas si on ne voyait la France qu'à travers ce qu'on voit dans l'espace public, les débats politiques, etc. Enfin, je veux dire, il y aurait de quoi se jeter dans la Seine. Mais pour le coup, je trouve beaucoup de raisons d'espérer dans ce qui se passe très concrètement dans la réalité du pays. On est dans une période qui est compliquée, on est dans une période, mais où il y a à la fois une richesse, où il y a une forme de conscientisation d'une partie de la jeunesse et des moins jeunes, hein, on est de moins en moins jeunes, originaires notamment des Antilles. Et je pense que ça, ce sont des vrais fers de lance pour les générations à venir, ne pas se laisser complètement engloutir par les discours, comme je le disais, les discours racistes qui se sont complètement libérés dans l'espace public en France, et pas qu'en France. C'est une très belle conclusion. Je crois qu'on est au moment de la conclusion. On rappelle qu'on était avec Audrey Célestine. Encore merci. Merci pour l'invitation. Voir. Audrey Célestine, donc, qui pour son livre Mobilisation caribéenne à Paris et Alors, à New York. Voilà, Mobilisation caribéenne, la fabrique politique de l'identité à Paris et New York, qui sort à la rentrée chez Cartala. Voilà, donc on rediffusera l'émission d'ici là pour que vous entendiez parler. On rappelle aussi qu'en plus de ce travail de recherche, il y a une collaboration avec un photographe. Ça apparaîtra aussi dans le livre, une série de photos. Tout à fait, de David Damoison, hein, qui a fait une série de portraits d'Antilles en région parisienne. Et voilà, c'était un petit livret pour faire les choses un peu décalées, que ce ne soit pas uniquement un livre universitaire, mais voilà, quelque chose qui parle aussi à tous ceux qui, depuis au moins 3 générations, vive ici. Pour terminer, on va demander à Audrey on ne pourra pas passer tous les morceaux qu'elle a choisis. Il nous reste donc, puisqu'elle a choisi en priorité Mario Canonge, Jennifer Lopez, il nous reste Gloria Estefan, Tito Puente, Scott Squad et Eric Pédurant. Donc dans les 4, si tu peux nous choisir un titre. Bon, je pense que je vais faire honneur à mes hôtes et demander Scott Squad. C'est gentil. Vous êtes avec EDS, c'était Audrey Célestine et Mimi Nelzi, nos invités aujourd'hui. Conlambi Musique Jeudi, premier dimanche de chaque mois, avec peut-être un petit break pendant les vacances, mais notez le rendez-vous, à bientôt. Et 8 à 6 ans, avion moulant, deux mois là, ça fait moins souffrir. Et ça qu'a fait 9 mois, empathie la caille, moins Henri Vini, ouais, pas si ni trop bagaille qui m'en tire, moi. En jasse avant, paix et ni t'en fais tout ça en bisouin. Sorti d'aéroport là, en seul chalet qui capre, moi. À d'un moment, en ça si pote et même en tricot, là, pour moi. La matin, paix et content, qu'est fait, c'est en babier à terre. Coumant, ou bis ni en caille là, ou comprendre, c'est la fête. C'était 10 ouais, arrivé, miselé à pouaille pour en souhait. En y trapper, en paix, souliers, pas ni pète, en l'air nous rivé. Bagaille là, j'ai pas dit des vieux paroles, j'ai qu'à tomber. Y'a une dépression qu'a fait. fait, mais c'est pas pièce goumin qui est pété. En paix et menti, bah en obligé, en fait, en soirée, un minimum syndical. Les ou fait neuf mois l'autre côté, ou ça voulait ou fait yon. Ou paix et fait des bagailles, je jette cette bagaille, je carré. C'est pas pour ça en virer, à dans t'y pays, moi, en c'est qu'on ça yo cap au pied, yo, moi, même en savant pas, attends. En si m'arrêter dormi, bah décalage, ou gagne, ou pour la blague, et puis encore m'arrête, en parouette, et puis en patate. C'est pas pour ça en virer, à dans t'y pays, moi, en c'est qu'on ça yo cap au pied, yo, moi, même en savant pas, attends. En si m'arrêter dormi, bah décalage, ou gagne, ou pour la blague, et puis encore m'arrête, en parouette, et puis en patate. Lendemain matin, doubouto pipi, j'entends, en paré pour la route du sud, cap, macré, ou lance, caritan, yo, tout.